Bonjour à tous et bienvenue dans la bonne franquette, nouvel Bonsoir. Épisode. Comment ça va? Comment ça va? Bah, ils ne peuvent pas répondre. Oh merde, putain, et je me fais avoir à chaque fois. Car ce n'est qu'une discussion entre amical. Toi et moi. Mais écoutez, alors, amical. Pas... Amical, comment ça? Ne t'enflamme pas. du coup, on prévient tout de suite, ouais, il y aura juste une coupure vers 27 minutes, parce qu'on sait que ce podcast fera plus que 27 minutes, hein, puisque bon, on a l'habitude de parler des heures. Et puis donc il y aura juste un cut, sinon il n'y aura pas de cut, mais il y aura une coupure aux environs de 27 minutes histoire de relancer l'enregistrement. Voilà, donc ne vous en faites pas. Vincent, bonsoir, comment ça va? Bah ça va, et toi? Bah ça va très bien, je viens de passer une superbe journée. Ah, et par superbe journée je veux dire pas du tu tout. Tu veux dire la pire journée? Alors la pire journée non, parce que par exemple la fois où je me suis fait tabasser par 7000 personnes, c'était pire. Par 7000 personnes? Ouais, j'en suis sorti 7000. Grâce à mon sang saïen. Ok, mais ils avaient des armes? Bien sûr. Quoi? Contendantes ou plutôt armes à feu ou de tout? Il y avait de tout? Des armoiries. Des armoiries? Ça, ils m'ont tapé avec des écussons, des blasons. Ils t'ont tapé avec des armures? Tout type de tissu et autres patchwork. Waouh, bah putain. C'était la confrérie des couturiers en fait. Bah, voilà. Qu'est-ce que t'as fait pour les embêter à ce point? J'ai dit, hey, mais c'est mal cousu ça! Bon, et ils ont pris ça si mal que ça? Ah mec, ça a filé tout droit. Bref, ouais, non, ça va, je viens de passer une journée où j'ai perdu énormément de sur temps. Sur le fil? Ouais. Alors, rapport à la couture. Là, t'es sur le fil du rasoir, ah, il est temps d'arrêter cette blague. Ah, mais c'était peut-être trop tard. Bon, j'arrête. Hey, mec, j'arrête. Ferme ta gueule. Et non. Du coup, putain, j'ai pas de. Tiens, fais-le, j'ai pas d'ongle. J'ai passé une journée absolument exécrable car quelqu'un s'est suicidé. J'étais à 3 pour le boulot et en partant de 3, je devais faire 3 Paris, Paris, Strasbourg. Et quelqu'un s'est suicidé sur les rails en Champagne-Ardennes, ce qui a ralenti tout le. Casse-toi. Avec sa fin de. Ouah, mais putain, je savais pas que le Red Bull c'était aussi jaune. Eh bien, si. La dernière fois c'était de la bière, cette fois on a du Red Bull. Donc j'ai envie de dire. La prochaine fois quoi? À cette nuit blanche. Hein, parce yes. Qu'avec ça, impossible de dormir, c'est sûr. Super. Enfin bref, voilà, il y a une. Waouh! Ah ouais, c'est. c'est fort. Il y a une pauvre âme qui a donc choisi de passer de l'autre côté l'arme à gauche, de passer l'arme à gauche aujourd'hui, ce qui a provoqué un ralentissement extrêmement long. Si vous pouvez passer vos appels à SOS Suicide au 868. Non, 68. Non, mais vraiment, genre, bon, on va pas rigoler avec le suicide parce que c'est vraiment un truc très grave, même si on peut rire de tout, c'est important de tout rire. Mais bon, là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure journée. Mais voilà, du coup, ça a forcément provoqué un énorme ralentissement avec d'abord... en fait, le truc, c'est que quand t'arrives à la gare et qu'il y a écrit « retard de 15 minutes », tu dis « bon, ça va ». Ensuite, le 15 minutes passe à 1h30 et là, tu dis « ah oui, c'est... » Ça fait long. Bon, pourquoi pas. 1h30, 2h, 2h10, 3h, 3h10 et au bout d'un moment, ça commence à être tellement long qu'ils ont dit « allez dans le train et il va bientôt partir ». On est parti 30 minutes après. Mais c'était assez long. Mais bon, comme dit, il y a quelqu'un qui a passé une bien pire journée que pire nous. Pire journée, bien donc, sûr. Bon, paix à son âme. Après, si vous pouviez vous suicider autre part que sur des voies... Attends, là c'est non, mais... méchant. Non, mais attends. Bon, c'est dommageable, on va dire, pour les autres, mais bien plus pour vous. Donc, paix à votre âme quand même. C'est malheureux. Et vraiment, je mettrai vraiment. Je prévois pas de faire de montage, mais je vais quand même mettre le numéro de SOS Suicide, c'est important. Si vous avez besoin d'être écouté, si vous avez besoin de parler, surtout n'hésitez pas à appeler ce numéro. Vincent, toi, oui. Tes actualités, ton métier, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Bah écoute, en ce moment, c'est la folie. C'est la folie, c'est-à-dire Au niveau du travail, ça va, je m'en sors plutôt bien. Attends, excuse-moi, c'est le. Là, t'as vraiment fait un bruit énorme quand j'étais en train de parler. Pardon, c'est ça m'a coupé en fait. Non, mais c'est l'adrénaline du Red Bull en fait. D'accord, ok. Je veux bien l'excuser, mais par contre, les oreilles des auditeurs, elles ne t'excuseront pas. Ça va. Non, en ce moment, pour le travail, j'ai pas mal de petites choses à faire. Attends, j'ai le nez qui gratte avec la coke là. Et. Waouh. Et peut-être un gros projet qui arrive. Peut-être le design de toute une application, c'est possible. Ah, donc on a arrêté le gimmick des faux métiers et tu dis ton vrai métier. Oh, bah oui, la dernière fois, tu m'as craché ouvertement à la figure quand j'ai voulu le réinstaurer. C'est vrai. Donc, je préfère l'arrêter complètement. Non, je mérite pas. Non, je mérite pas. Tu t'appelles comment ? Vincent. Tu mérites. Bah, ok, je mérite. Mais non, voilà, j'ai pas mal de petites choses en ce moment. Ça doit faire plaisir, étant donné que... Ouais, bah j'ai toujours... c'est un peu un goal de créer une application de A à Z. Et surtout, juste le design, parce qu'à chaque fois, on me dit « Ouais, tu pourrais me faire un site, avec le développement. » Bah non, en fait, parce que je suis nul en développement. Mais... Non, t'es pas nul, c'est juste pas ton cœur de métier. C'est pas mon cœur de métier. Mais là, effectivement, si je peux faire ce truc, ça va être vraiment bien, je vais vraiment kiffer. Ce serait pendant 3 mois, 5 jours sur 7. Donc voilà, ça me laisserait en plus du temps le week-end pour travailler sur d'autres trucs. Parfait. Et faire des épisodes de La Bonne Franquette. Exactement. Et sinon, à part ça, en actu, oui. Tu sais ce que j'ai regardé récemment ? Je pense que tu le sais. Parce qu'on l'a regardé ensemble, en fait. Alors, on a regardé ça, ouais, mais il y avait autre chose. Toy Story 4. Ça, on l'a vu, ouais, aussi. Brightburn. Ça, on l'a vu aussi. Sympa, d'ailleurs. Sympa. Très sympa, Brightburn. En fait, on voit tous les films qu'on voit, on les voit ensemble. Je crois que ça s'appelle L'Amitié. C'est, ouais. Ouais, ça fait... Maladie grave qui consiste à traîner avec les gens parce que, soi-disant, on les aime bien, tu vois. Ouais. Tout à l'heure, il m'a dit, mais putain, on fait jamais de FaceTime. Je lui ai dit, mais... C'est normal parce qu'on se voit en vrai tout le temps quasiment. Donc attends, c'est toi qui l'as dit ou c'est moi qui l'ai dit ? En me répondant moi-même. Et après, j'ai enchaîné en faisant... Et même chat, tu... Bon, j'ai peut-être voulu faire un plagiat de blague là, mais... Oui, en plus, t'as aussi, postionné, mais non, tu as candidaté. C'est quoi le synonyme de candidaté ? Mais, parce que je crois que candidaté... Candidaté, ça se dit pas. Enfin, oui. En français, normalement, ça passe pas. Moi, si jamais on vous l'apprend, parce que c'est très répandu... Postulé, c'est ça. Tu as postulé chez Adidas. Exact. Pour faire aussi un peu de DA chez eux. Ouais, et d'ailleurs, je les ai rappelés. On croise les doigts. Et ils ont dit... Bah, c'est nous qui vous contactons, donc raccrochez ce téléphone. C'est vrai. C'est à peu près ça. Ils ont dit, allez. Les gars, ils rigolent, ils font, allez. Ils raccrochent. C'est quoi, vous m'avez dit Vincent Weigel ? Allez. Allô ? Allô ? Non, mais effectivement, je les ai rappelés pour voir. Et ouais, ils m'ont dit qu'ils me donneraient forcément une réponse, mais que c'est eux qui me recontacteront. Donc bon, on verra. En même temps, j'imagine que tu n'es pas le seul à postuler dans des entreprises comme ça. Exact. Beaucoup de monde. Mais bon, j'ai le meilleur CV donc. beaucoup de monde doit concourir. Ouais. Dans synonyme de postuler un peu. Ah non, concourir. Rapport au pied. Au sport. C'est ça. Ah ouais, trop fort. À la course, tout ça. Putain, trop fort. Shut up, bitch. Et voilà, bah écoute, bah, que des bonnes choses alors, ça fait plaisir. Bah oui, et toi alors, niveau travail, comment ça se passe ? Mis à part les retards SNCF. À part les suicides, tu veux dire. Ouais. Non, du coup, c'était très cool. Mais en fait, ce qui était interminable, c'est que pour aller à Troyes, il y a eu aussi un retard. Mais là, par contre, c'est inexcusable parce que c'est quelqu'un qui a oublié sa valise dans le train, je veux dire. Ouais, qui oublie ses affaires dans un train ? Tu l'as déjà... Ça t'est déjà arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Ça t'est déjà arrivé. Il y avait une paire de AirPods. Si jamais vous les trouvez, ils étaient en partance pour Lille. Non, mais en vrai, je pense qu'ils ont fait péter ton sac, hein. Non, je pense que quelqu'un est parti avec, je pense. Ouais, parce que sinon, parce que j'ai regardé les actus SNCF et il n'y avait pas marqué un colis a été retrouvé ou un truc comme ça, tu vois. Parce donc que, à mon avis, quelqu'un l'a pris et s'est cassé. Les sacs, à cause du plan Vigipirate, les valises, je sais qu'ils les font exploser par contre. Hein. Mais là, c'était un sac cadeau. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait 3 ou 4 heures de retard mercredi. Parce que quelqu'un monte à bord d'un train avec une valise et il descend sans valise et ça lui pose pas de problème. Mais elle était pas sur le quai ? C'est pas plutôt quand c'est sur le quai que c'est... Je sais plus, mais peu importe, que tu l'oublies sur le quai. Mais c'est encore pire sur le quai, c'est-à-dire tu descends du train avec et tu l'oublies sur le quai en partant. Non, mais justement, c'est plus suspect, c'est ça le truc. Ah, dans ce sens-là ? Ouais, bon. Toujours est-il que cette personne nous a grave mis en retard et du coup, ce qui était extrêmement frustrant, c'était qu'au retour pour rentrer à Strasbourg, il s'est passé la même chose, dans des conditions autrement plus tristes, bien évidemment. Mais bon, c'était un voyage assez long. Mais c'était cool. Ville de Troyes, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Troyes? Rien, parce qu'il n'y a rien. Non, c'est une ville où il fait bon vivre, mais c'est plus une ville... Ok, si jamais, imaginons, tu es au nord de Troyes, okay. Et tu as un rendez-vous tout au sud. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais pour... Comment tu fais pour y aller? Tu vas sur l'application Uber, par exemple? Adoré prendre un Uber, ouais. Mais il n'y en a pas. Il y a zéro Uber. Okay. J'aurais adoré prendre un métro. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de train. Comment tu fais alors? Il y a les pieds ou le taxi, en fait. Voilà. Okay. Non, j'imagine qu'il y a quand même des bus et des trams, j'ai pas tout eu. En tout cas, très cool. J'étais dans un hôtel. En face d'une pizzeria. À côté d'une pizzeria. Genre, tu descends, bam, il y a la pizzeria. En fait. Donc, tu descends et tu as une pizzeria qui arrive là, tac. Et tu es obligé de manger si tu veux passer. Non, ça c'est juste toi qui t'es dit ça pour pouvoir te déculpabiliser d'y aller manger. Mais... Non, en plus, je n'y ai même pas mangé. Ce qui est quand même. Bravo. On dit ça comme ça, ouais, attends, je dirais, j'y ai pas mangé. Pour moi, c'est un exploit, d'accord. Si je te propose une pizza, genre maintenant, au lieu d'enregistrer. Là, tu manges. Là, je mange la pizza. Si je te propose une pizza, genre je te réveille à 3h du matin. Et vraiment, t'étais en plein sommeil. Ouais, ouais, vraiment. Le sommeil le plus lourd de ta vie. Donc là, je me réveille, je suis un peu. Et je te dis, on mange pizza. Je mange la pizza. Je mange la pizza. Tu manges la pizza, ok. Et si par exemple t'es sur ton lit de mort vraiment, ouais, okay. Tu peux plus rien ingurgiter parce que t'as plus d'estomac en fait. C'est pour ça que tu vas mourir. Vraiment, okay. Si tu manges, tu meurs. Ok. Je mange la pizza. Tu manges la pizza. Je mange la pizza. Et non, par contre, le centre historique de Troyes, c'est très mignon. C'est vraiment une ville qu'on visite, je pense, pendant 2-3 jours, peut-être 4, histoire de prendre un petit break. Mais c'est vraiment. Ou pas zéro quoi. Non, si quand même, elle est mignonne, mais bon. Ça ressemble un peu à Agno. Vers chez nous. Franchement, ouais. Il y a cette vibe de à partir de 16h. Attendez, mais il y a des gens qui vivent dans il y a des gens qui vivent dans cette ville, vraiment. C'est une ville déserte. Une ville déserte, une ville fantôme. Peut-être un bruitage de fantôme. C'est nul à chier. Tu es le pire bruiteur de fantôme. Oh merde. Who you gonna call? Bah pas toi, visiblement. Bah pas moi du tout. Sinon, à part ça, beaucoup de projets. J'ai l'ancienne boîte pour laquelle j'ai bossé pendant 2 ans à Paris qui m'a rappelé récemment pour potentiellement collaborer. D'autres clips qui arrivent, donc ça fait plaisir. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler quand même d'audiovisuel. Parce qu'on est là pour parler de... Stranger Things. Pardon ? Stranger Things. Bah, tu comprends pas ? Rain. Ah, Stranger Things. Oui, yes, d'accord. Exact. série du moment depuis quelques années maintenant, ouais, renommée, assez controversée parce qu'il y a quand même deux camps de gens qui disent oh, ça va, c'est full, ça joue que sur la c'est nostalgie. C'est full nostalgie, ils ont rien inventé. Je veux dire, moi je les baise. Enfin, que vous êtes tout le temps comme ça, les gens. Attends, qui mais les gens qui critiquent, ils rentrent à chaque fois, dans toutes les phrases. Putain. En tout cas, moi j'entends que ça, que du bruit comme ça, avec un rond au milieu, quoi. Pardon, non, mais c'est vrai, c'est une série qui fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de monde qui la suit. Et je comprends parce qu'elle est plutôt qualitative. Elle est plutôt originale, je trouve. Une série qui mélange humour et quand même horreur, c'est pas facile, alors, je trouve. Horreur. Bah, la première saison, moi j'étais flippé hein, quand je l'ai vu un peu. Ouais, vite fait, franchement. C'était pas incroyablement horrible. Mais tu vois, c'est peut-être parce que tu regardes pas beaucoup de films d'horreur, non? Du coup, ça marche non, assez. Non, c'est vrai vite, que j'en regarde pas énormément. Mais ouais, disons que c'est plus. Ouais, il y a pas mal de suspense. Ça joue sur la tension et voilà, tout. Voilà, c'est ça, mais il y a pas vraiment de. Exact. Ça, c'est un screamer par exemple. Ça, bah, j'ai pas eu peur. Parce que je suis imitateur de screamer en fait. Donc, ouais. C'est un peu bon un screamer là. Un autre. Vous n'avez plus d'argent sur votre compte en banque. Ah. Allô, putain, Vincent, c'est votre banquier. Chose impossible à l'heure actuelle. Alors, du coup, Stranger Things, ou aussi appelé. Très bonne série. La saison 3 vient de se finir. Qu'est-ce que t'en as pensé tout de suite en deux mots? J'ai adoré. Merde, c'est trop bon. Allez, retourne à l'école. Oh, sympa ça. Non, franchement, si je dois faire un résumé de mes pensées par rapport aux 3 saisons, c'est saison 1, wow, super bien. Saison 2, un peu un ventre mou, quoi, pas ouf. Et la saison 3, elle a tout explosé. Je trouvais qu'elle était vraiment, vraiment très qualitative. Mmh. Bon, il y a eu un petit, et même au milieu de la saison, il y a eu deux 2-3 épisodes un peu en dessous. Bah, je trouve que le 2-3 épisodes, parce que la série fait quand même 8 épisodes, donc c'est quand même presque un tiers. Il y a eu 2 épisodes un peu en fait, dessous. En fait, c'est un peu c'est exactement le schéma que tu disais pour la série jusqu'à présent, c'est-à-dire bien, ouais. moins bien, très bien. Ouais. Bah, je trouve que ça a fait la même chose pour la saison 3, bien, ouais. un peu moins bien. Au début de la saison, on est très heureux de retrouver les personnages. Mmh. Ça fait plaisir. Ils ont tous évolué en plus. Ils ont tous évolué. On en apprend beaucoup sur eux, sur leur vie actuelle et tout. Where is Susie? En fait, c'est pas que la saison, le milieu de saison est nul, mais il est plus lent. Ouais. C'est un peu une pause histoire de peut-être de repartir de plus belle, je sais pas. Mais il y a un ou deux épisodes où. En fait, c'est le moment où tout se met en place en fait. Alors voilà, est-ce qu'on peut spoiler ou pas? À partir de maintenant, oui, on vous a prévenu, on va spoiler. Exact, voilà. Et ouais, effectivement, c'est quand au milieu de la saison, tout se met en place, en fait. Ils commencent à voir qu'il y a des problèmes et ils essayent chacun d'aller enquêter de leur côté. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le schéma de suivre plusieurs groupes de personnes qui vont chacun enquêter de leur côté et à la fin, ils sont tous ensemble parce qu'ils ont réussi à ramener chacun des clés de comment faire pour réussir à surpasser le monstre. Ouais, il y a vachement une ambiance un peu Club des 5, Scooby-Doo, ce genre de choses. C'est-à-dire que... Ah ouais, Club des 5, c'est une de mes rêves, ça. Je regardais tout le temps ça quand j'étais petit. C'est vraiment mon époque, quoi. Tu veux dire quand les années 60. Ouais, c'est ça. Bah, même les années 20, mais 1620. Quand tu jouais au chevalier dans la... Ah bah, t'étais un chevalier. J'étais habillé en Jean Marais. Ouais. La ref. Exact. Et ouais, non, cool. Très cool. J'ai plutôt le même ressenti. C'est bien fait, c'est bien filmé. Très bon acting. D'ailleurs, superbe nouvelle actrice, Robin, qui n'est autre que la fille directe de Uma Thurman, c'est-à-dire la mariée, El Famoso Bride de Kill Bill, en fait. Mm. Donc Uma Thurman en bon français. Et complètement dingue dans son acting. Ouais, elle est très forte. Ouais, forte. C'est très convaincant. Enfin, ils sont tous très convaincants, je trouve, le cast. Ouais, il y a personne en dessous aussi. Peut-être un peu la... Moi, je trouvais la mère de Will. Parce qu'elle en fait un peu des caisses, je trouve. Ouais, alors tu m'as fait remarquer ça quand on regardait la série. Mais moi, je trouve que ça passe bien dans le sens où c'est dans son personnage. C'est dans son perso, ouais, mais... Ouais. D'être un peu genre malaisant tout le temps en mode... putain, elle est trop bizarre, cette fille, tu vois. Par contre, je mettrais peut-être une ou deux réserves sur comment il s'appelle Will. Non, enfin le problème de Will, c'est qu'il est un personnage qui est assez monolithique de par ce qu'il a vécu, tu vois, genre un peu la seule chose qu'il est un peu capable de d'éprouver maintenant, c'est la peur et la tristesse. Mais jamais on le voit dans une scène faire ouais, ça n'arrive pas. Et contrairement à tous les autres personnages qui ont au moins une scène ouais. C'est vrai qu'ils ont tous une scène. Comme zen, ça. Ils sont tous genre Hooper à un moment, ouais. Fait vraiment ça. Hooper le vidéotesteur. Tu connais pas Hooper.fr? Shout out Hooper.fr, un des dinosaures du vidéotest français. Et non, le seul sur lequel j'émettrais peut-être une légère réserve, c'est l'acteur Finn, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin celui qui joue le petit copain de Eleven, Elf. Ah ouais. Comment il s'appelle Mike. Déjà Mike, voilà. Mike. Il y a parfois, je sais pas. J'ai l'impression qu'il savait pas trop jouer les scènes d'amour romantiques et tout, tu veux dire. C'est peut-être pas qu'il joue mal, mais il est dans une espèce d'un peu de dodelinage, tu vois. C'est-à-dire, ouais, voilà, tu vois, il bouge beaucoup. Ouais, je sais, c'est un nom spécial. Le mot m'échappe, mais je crois que c'est caboché, je crois. Ah ouais, je sais pas. Je sais plus. Bref, mais ouais, il y a quelques moments où je trouve qu'il est un peu en dessous, mais sinon tout le reste du casque. Intégral, protection optimum. Vous pouvez faire de la moto avec ça, nickel. Mais sinon, le cast en soi est vraiment aussi très agréable. Ouais. Très doux, ces personnages, tous très jeunes, très talentueux, ça fait plaisir. D'ailleurs, regardez si ça vous intéresse vraiment l'univers de Stranger Things. Regardez Beyond Stranger Things parce que c'est plusieurs épisodes avec le cast à chaque fois. Enfin, C'est réparti en plusieurs morceaux du casting. Mais ils sont autour d'une table dans le chalet de la première saison. Et puis, ils parlent du déroulement de la série, du script, de la modélisation 3D, des effets spéciaux, des problèmes qu'ils ont rencontrés. Il y a même les tape audition, comment on dit en français, des castings. Ouais, les cassettes de casting. Enfin, les cassettes. Ouais, les cassettes qu'ils ont envoyées. C'est ça, les vidéos de casting qu'ils ont envoyées. Et c'est marrant de voir les acteurs alors qu'ils n'étaient pas connus ou très peu. Y a, même, je crois que justement, celui qui joue Will, je crois que dans son audition, il était, dans sa vidéo d'audition, il était ultra malade dans une chambre d'hôtel pas rangée. Le cadre était super mal fait. Et le gars a été pris, c'est marrant. Et d'ailleurs, Millie Bobby Brown, dans sa vidéo d'audition, pleure. C'est qui Millie Bobby Brown ? Eleven. Ah, ok. Ouais. Millie Bobby Brown. Elle pleure dans sa vidéo d'audition et ça me fait marrer parce que je me dis, en fait, elle pleure tout le temps, cette fille, finalement. Ça te fait marrer. Une fille qui pleure, ça te fait marrer. J'adore ça. Quelque part, ça m'excite un peu. Waouh, j'arrête tout de suite ce podcast. Non, mais effectivement, elle a quand même... Bon, après, ça fait partie de son personnage, mais elle est vraiment, je trouve... Peut-être un peu trop ancré dans un personnage monolithique. Non, parce qu'elle a quand même plusieurs couches de caractère, mais elle est quand même très souvent, j'allais dire, dans le désespoir et la tristesse. Mais en même temps, vu ce qu'elle a vécu, on peut le comprendre. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans la série, c'est qu'au fil des saisons, enfin bon, il n'y en a que trois pour l'instant, mais au fil des saisons, ils arrivent à bien se renouveler au niveau des monstres. Genre, la première saison, c'était les Demogorgon, là. Ouais. Attends, les démons. Je crois que c'est les Demogorgon. Demogorgon. Je crois. Dans la série font très peur au début et tout, avec leur tête là qui s'ouvre. Ils font blah, ouais. Et ça te fait peur, ça fait, c'est l'horreur, ouais, là j'ai eu trop peur, mec. deuxième saison, c'est quoi, c'est l'ombre plutôt, hein, une horreur un peu psychologique, c'est ça, hein, ouais, si je me souviens bien. C'est surtout insaisissable, ouais. Genre, il est partout et pourtant on arrive on peut pas l'avoir. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin il reste là et qu'on va y avoir de nouveaux droits. Exactement. Et dans la saison 3, du coup, là, il est... Là, il est... Il est rendu sous forme physique. Dégueulasse, d'ailleurs. Oh là là. Est-ce qu'on en parle, tous ces morceaux de muscles, de sang, d'organes, là. Qui ça sent, ouais. Franchement, c'est dégueu et c'est bien fait pour la plupart du temps. J'ai remarqué quelquefois, genre, quand tu te concentres sur une seule partie du monstre, tu vois la 3D et tout un peu, enfin tu vois que c'est pas réel en même temps. Bon, voilà, qui croit. Attends, quoi ? Mais je crois que c'était un biopic, moi. Non, c'était pas du live. Ah, c'est des effets spéciaux ? C'est des effets spéciaux, ouais, c'est de la 3D. Oh non ! Attends, mais toi qui es dans l'audiovisuel, tu devrais savoir. Oh non, ils m'ont eu alors. Ah, je rigole, bien sûr. Mais non, des fois on voit. Attends, ça, c'est ma maladie, ça. Je suis en contente muation. Constante mutation. Je suis tout le temps en train de muer, en fait. Ouais. Vraiment, ça fait des années que ça... C'est une bactérie, un petit virus. Ouais, des cellules qui se séparent, c'est moi, ça. C'est ma voix. D'ailleurs, comment des organismes unicellulaires ou pluricellulaires peuvent se multiplier en se divisant ? C'est-à-dire, tu te divises pour être moins et t'es plus. Moi, je comprends pas. Bah, en fait, c'est... Une blague, c'est une blague, en fait. J'allais répondre premier degré. J'essayais de trouver, j'étais là. Qui réfléchit à ses cours de SVT. Attends, ouais, c'était quoi, le chapitre 7 déjà, ouais. Oh, j'étais tellement en train de feuilleter mes pages de première S là. Ah oui, avec la mitosynthèse. La photosynthèse là. Non, ça c'est les plantes, ça. Attends, c'était quoi ? C'était la mitochondrie, je sais plus. Tout ce qui compose la cellule, oh, je sais plus du tout, c'est incroyable. La mycose. Voilà. Et ouais, moi je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire parce que, à mon avis, je pense que ça va s'arrêter à 5 saisons. J'espère que ça va s'arrêter à 5 saisons parce qu'à mon avis, il n'y a pas besoin de continuer trop longtemps. Ouais, ces dernières années, plus une série s'allonge, moins elle devient bonne à la fin. T'as un exemple ? Dexter. Game of Thrones. Wow, directement, t'as sorti ça si vite. Non, franchement, Dexter, c'est... Je pense que longtemps, ça a été ma série préférée. Et la fin... a été un coup de poignard en plein cœur. Elle est arrivée quand, la fin? Ça fait longtemps déjà? Bien trop vite. Non, mais c'était en quelle année? Je sais plus, j'étais encore au lycée, mais je me souviens avoir, dernier le, avoir, avoir vu le dernier. Normalement, quand une œuvre que tu suis comme ça depuis des années se finit, tu restes sur ta chaise et tu fais... Bon, ouais, bah, putain, ça y est. Ça y est, c'est la fin. Ouais, t'as là, l'impression que... Et là, je suis resté sur ma chaise et je dis, oh, putain, ils sont bien foutus de notre gueule. Non, franchement, la fin de Dexter est nulle, c'est terrible. Ça m'énerve carrément, c'est nul. Ça. Ouais, bah ouais, t'as suivi des heures et des heures des personnages et au final, ouais, et puis t'as même, l'impression que les scénaristes se foutent un peu de toi, quoi. C'est surtout, je suis triste pour une œuvre comme ça, parce que tu passes ton... Il y a énormément de gens qui ont travaillé sur ça, tu vois, pour développer l'univers, pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour que ça soit beau techniquement, pour que ça soit beau au niveau de l'acting, pour que ça soit une belle œuvre tout court. Et à la fin, on te rush ça, et ça n'a aucun sens, et t'es... Ah, pourquoi vous me crachez dessus? Faudrait que je la voie d'extérieur, quand même. Ouais, elle est vraiment bien, surtout les quatre premières saisons qui sont fantastiques. Il y en a combien? 7. 6 7 Ok. Mais bon, à la fin de la quatrième saison, c'est pas fini, mais tu peux dire, ah mince, Dexter s'est fait faucher par une voiture, la série est finie. Enfin, ça, personne t'en voudra. Personne. Mais pour en revenir à Stranger Things, un autre truc que j'ai adoré dans Stranger Things, c'est justement ce pourquoi souvent c'est décrié, à savoir surenchère de nostalgie des années 80. Moi, j'aime beaucoup, en fait. Enfin, je me dis, si c'était un truc qui se passait vraiment dans les années 80, ce serait un peu comme ça. Même si là, ils abusent un peu. Genre, évidemment, ils vont au cinéma et forcément, c'est Retour vers le futur qui est projeté, quoi. Mais bon, franchement, ça... Moi, je trouve pas que ça dessert le propos. Et ouais, ça... C'est marrant parce qu'il y a un vrai bashing de Retour vers le futur ces dernières années. Ah bon? Qui dit ça? En fait, qui a dit ça? Qui a dit ça? Je vais vous retrouver. Je veux des noms. Attends, je vais te les donner, mais juste après la coupure. Et... Comme on se retrouve. Attends. Top. Comme on se retrouve. Attends, c'est trop rapide. Top. Comme on se retrouve. Attends. Top. Comme on se retrouve. J'espère que tu as laissé ça comme ça. Non, c'est, je voulais que ta voix soit clean, tu vois, et pas que ça soit à la fin du top, mais ok, pour la blague, je vais les laisser. Et attends, de quoi on parlait? Oui, alors le bashing de Retour vers le futur. Je sais plus quel film on allait voir récemment, mais il se moquait du voyage dans le temps. Ah, c'est pas Avengers? Ah, je crois que c'était ça. Et il disait, putain, mais en fait, Retour vers le futur, ça n'a aucun sens et tout. Ouais, machin. Mais c'est pas vraiment du bashing, c'est si... plutôt un clin d'œil un peu marrant. Si. Quand tu dis que le scénario de ton film n'a aucun sens et que c'est n'importe quoi, si, c'est du bashing. Même chose dans Stranger Things, au bout d'un moment, ils disent... Enfin, c'est pas vraiment du bashing, mais il explique ça de manière genre un peu schématisée et tu te rends compte que bon, ça a plus ou moins de sens, quoi. Mais ouais. Voilà, bref. Après, c'est très compliqué d'écrire sur les voyages dans le temps, donc... On leur pardonne. Oui, Robert Zemeckis. Hein, alors, bon. Retour vers le futur. Fais le bisou, t'es pardonné. Bien. Parce que Zemeckis. C'était un bisou, ça? Attends, mais c'est immonde. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Je regrette. Mec, je vais tellement le mettre en boucle. Je vais faire un épisode bonus, il y aura 10 heures de ça. Ah non. Mais attends, mais t'as roté aussi avant. Non, non, j'imitais. Je pourrais avoir des rushs, j'aimerais bien monter cet épisode. Non, tu ne le feras jamais. Si. J'imitais les gens qui crachaient sur Stranger Things. D'ailleurs, tu voulais dire un truc sur Stranger Things? Oui, j'ai beaucoup aimé les lumières. Les lumières. Oui, la direction photographique. La direction photo est dingue, je trouve. En plus, bon, comme j'ai une télé plutôt sympa, allez, j'ai pu profiter au maximum. Est-ce qu'on peut de raconter ces l'histoire images de cette télé, qui à la base est une veste, je crois. Oui, alors bon. Vas-y, je te laisse le raconter. En fait, c'est pas vrai. Attends, c'est vrai? C'était juste après Noël. Je m'étais dit, bon, en ce moment, il fait un peu froid. T'as vu, c'est décembre et tout. Donc, je me suis dit, bah, je vais aller au centre commercial pour pouvoir m'acheter une veste et ne plus avoir froid. Ce qui est normal. Ce qui est normal. On a envie d'être... Donc, je t'ai dit, vas-y, frérot, on sort, je vais acheter une veste, tu viens avec moi, exact. On regarde s'il n'y a pas des trucs et tout. Donc, on va au Hall. On va chez Zara, on regarde un petit peu, ouais, il n'y a rien de fou. On ressort, on passe devant chez Darty et je fais, tiens, j'aimerais bien voir juste les télés vite fait parce que... Peut-être j'ai envie de changer de télé un peu, mais dans un moment, quoi. Parce pas que tout de suite. L'ancienne télé que t'avais, c'est celle-là. C'est celle-ci. Qui est assez... Qui dépanne. Voilà. C'est-à-dire... on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Non, c'est, elle est pas mauvaise, mais effectivement. Ouais, le problème c'est qu'elle est un peu jaune. Elle est jaune, surtout ça. Et pas excessivement nette. Donc c'est vrai que quand on essaye de faire attention aux belles images, pas toujours. C'est pas. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est quand même une grande télé. Et puis voilà, ça fait plaisir, c'est toujours ça. Exactement. Et du coup, on passe devant chez Darty. Je me dis pourquoi pas regarder les télés vite fait. Et j'entre chez Darty. Je regarde les télés. Je repars avec... Attends, quoi, il y a un truc... Je repars avec une télé, une putain de télé, alors c'est que vrai. J'étais venu acheter une veste. C'est vrai. Et voilà. Alors, non seulement tu es reparti avec une télé, mais en plus, tu l'as changée parce qu'elle était nulle. Oui. En fait, il y avait cette espèce de... Je sais pas si vous avez... Si vous avez une Smart TV, vous avez très probablement l'option Fluid Movement, un truc du genre. Et en fait, parce qu'un film est fait en 24 images secondes pour le cinéma, et en fait, pour rendre tout ça plus smooth, fluide ou je sais pas quoi, la télé va créer d'elle-même, via un algorithme, plusieurs images entre ces 24 images. C'est-à-dire que ça s'appelle l'interpolation d'images, d'ailleurs, exactement. Si vous voulez aller voir ça. Exactement. Mais en gros, tu as 24 images et elle va en créer d'elle-même entre ces 24 pour arriver au final à 60 images par seconde au lieu de 24. Voilà. Et le problème, c'est que quand on passe... C'est pas aussi le motion flow, justement, le terme que tu cherchais. En fait, ça dépend. Parce ouais, qu'ils ont tous leur terme un peu marketing. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, ça fait une impression super bizarre de... Ouais. En fait, c'est jamais net, en fait, parce que... C'est très irréel, et quand on passe d'un plan à un autre... Ouais, des fois, il y a une image. Parfois, t'as des images rémanentes de l'autre plan. C'est trop bizarre. Ouais. Tu vois, on avait regardé Captain America, c'était insupportable. Oh, ouais, mais ouais, je regardais ça et je savais pas... Je connaissais l'interpolation d'image parce que j'avais vu ça il y a longtemps, mais je m'en souvenais plus. Et je me disais, mais qu'est-ce qui rend cet effet trop bizarre alors que c'est une télé 4K et tout, machin. Et en fait, c'était ça. Et j'ai mis du temps à m'en apercevoir. Du coup, je suis allé échanger la télé. Et maintenant, j'en ai une qui est très très bien, une Sony Bravia. C'est ça, je crois. Ouais. Je sais plus le nom, mais. Bon, après, on n'est pas tellement sponsorisé par Sony, donc on n'est pas obligé de leur faire de la pub. Mais... Non, c'était pas une Sony, c'était une. Non, Telesca. L'autre qui était nul, c'était une Philips, je crois. Alors là, tu fais du bashing, je voulais pas. Je dénonce. Non, mais faites des bons produits ou les sortez pas, en fait. Vous vendez c'était des télés excessivement chères, elles sont nulles, donc. quel intérêt, en fait. Exact. Non, mais. En fait, le mec qui était là pour me vendre la première télé, c'était pas un vendeur, enfin c'était pas le mec qui était au rayon télé d'habitude, donc il savait pas trop et tout. Et ouais, donc il m'a très mal conseillé. Du coup, il appelle un de ses conseillers. Mais justement, il avait dit qu'il était pas là à ce moment-là. Oui, bah il va. Attends, le gars est vendeur dans un autre rayon. C'est pas lui de te conseiller une télé s'il ne s'y connaît pas, tu vois. Donc bon, après ça aurait dû aussi être à nous, enfin moi j'ai pas tellement suivi la discussion, mais t'aurais peut-être dû te méfier dans ce cas-là. Bah ouais, mais en fait le problème c'est qu'ils diffusent que des images démo. Moi je pense que tu mérites. Ils diffusent que des images de bandes démo ultra HD magnifiques qui sont au ralenti, donc au ralenti le motion flow tu le vois pas et tout, donc bref, du coup j'avais pas capté avant d'avoir la télé chez moi. Et voilà, mais bon, au final, j'en ai une très bien. Donc nickel. Et du coup, il y a le HDR sur ta télé. Et là où ça nous intéresse, c'est que ST3, Stranger Things 3, a le HDR ça aussi. Ça se dit comme ça. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette fonctionnalité? Est-ce que ça rajoute une ampleur visuelle à l'œuvre? Franchement, j'ai l'impression que c'est un peu du bullshit, ouais. Le HDR. Parce que, en plus, je ne sais pas comment ça fonctionne, parce que si j'ai bien compris, à la base, c'est censé pouvoir faire en sorte que quand il y a de la surexposition, on a quand même des... Enfin, pas de la surexposition, mais quand on est dans le blanc, on a quand même des détails, et quand on est dans le noir profond, on a des détails aussi. Sauf que les fois où je l'ai testé, ça ne marchait jamais vraiment bien. Soit ça rendait une image ultra sombre, soit quand je jouais aux jeux vidéo, ça donnait une image très grise en fait, sans profondeur. Le noir était gris foncé et le blanc était gris. Et je crois clair. Que c'est ce que ça fait, parce que justement pour pouvoir, parce qu'en fait, avoir tant de détails. En fait, c'est assez logique, tu vois. Par exemple, tu peux pas garder des détails dans un blanc extrêmement puissant et en même temps. Ouais, mais garder du coup, ça rend une image qui est moins belle que celle de base. Donc, mais ça, je pense que c'était un bug parce que c'était sur Red Dead Redemption 2, d'ailleurs, on en a parlé. Mais c'était sur Red Dead Redemption 2 et c'est réputé pour avoir un bug au niveau du HDR, mais bref. L'auto-promo, ça suffit maintenant. Et voilà. Donc, le HDR, donc, pour l'instant, j'ai pas pu bien tester. Mais ni plus ni moins, par contre, t'as dit que. Alors, ça, je l'ai pas vu, tu m'as dit de faire gaffe quand on l'a regardé chez toi. Sur ta superbe télé. Oui. Mais tu m'as dit que quand il y avait un sous-titre qui apparaissait et qu'on était dans une scène sombre, ça éclairait la ouais, scène. En fait, je sais pas pourquoi il y a ça sur Netflix, mais c'est que sur Netflix. Okay. En gros, quand t'as un truc qui est vraiment très sombre, je l'ai regardé en fait. Enfin, j'ai observé ça quand je regardais sur mon iPad. La nuit, donc avec une très faible luminosité. En fait, quand tu as une scène comme ça, dès qu'il y a un sous-titre qui apparaît, il y a plus, je sais pas, 5% de luminosité sur tout l'écran. Et sauf que c'est insupportable, en fait, parce que la luminosité, elle fait que plus 5, ouais. Moins 5, plus 5. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est trop bizarre. Et je pensais que c'était un truc à désactiver et tout. Mais en fait, non, c'est propre à Netflix. Et là, on l'a observé. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai revu. Ouais, j'avoue que je l'ai pas noté. C'était pas trop présent parce que c'était quand même un tout petit peu lumineux de base. Mais c'était présent aussi sur la télé, en fait. C'est vraiment Netflix qui fait ça. Et c'est un peu embêtant, mais c'est pas un truc qu'on peut désactiver malheureusement. Mais parce que t'avais utilisé Netflix de quoi, de la PS4 ou du PC ? Non, quand on l'a regardé, ouais. C'était le Netflix sur la télé directement. Ah, donc c'est peut-être lié à cette version de Netflix. Non, parce que sur l'iPad ça le faisait aussi. Ah aussi ? Ouais. Bah Netflix, on aura votre peau. Voilà, non, en vrai, Netflix est quand même très cool, donc on va pas cracher dessus. En plus, mais ils ont Retour vers le futur. Donc Et pour combien de temps? Parce que là, ils viennent de perdre The Office aux US. C'est vrai? Ils viennent de perdre Friends aussi. Ouais. Donc, ouais. Ah, il y a de la concurrence. Touche pas chéché. C'est bon, non, je vais pas finir cette phrase. Attends, mais tu parles mexicain là. Touche pas chéché la cucaracha de guacamole. Ouf, ça c'était extrêmement raciste. Du coup, Stranger Things. Ouais. Effectivement. Je fais juste gaffe parce qu'encore une fois, on a ouvert. Il fait nuit, il fait chaud. Et j'ai un chat qui s'amuse à aller voir les voisins. Et voisins qui sont absolument anti-chat, donc je fais juste gaffe. Est-ce qu'on a d'ailleurs des animaux dans ce Stranger Things, dans cette saison? Oui, il y a les rats qui jouent un rôle majeur, très intéressant d'ailleurs, qui explosent. Des rats qui explosent. Comme ça. Tu peux refaire le bruit en ASMR. Boum. Ah ça, waouh. Daniel, es-tu là? Daniel, is that you? Bah écoute, très cool. Ouais. Toi, tu voulais parler des différentes dimensions dans un truc comme ça. Ouais. Effectivement, moi j'ai trouvé. Alors dès le bon, c'est inhérent aux trois saisons, mais le concept de la dimension parallèle. Ouais, parce que en gros ça reste quand même assez flou. On sait que c'est d'ailleurs, tu sais qu'à la base ils appelaient ça the darkness, c'est-à-dire les ténèbres, et en fait c'est les gens sur le plateau qui appelaient ça le monde à l'envers. Du coup ils l'ont appelé the upside down, tu vois. Putain, pas mal. C'est ouf, hein, c'était même pas prévu à la base. Ouais. Et effectivement, moi j'aime bien ce concept, mais ça reste extrêmement flou, c'est-à-dire que on sait pas. Il y a le flagelleur mental, mais est-ce qu'il y a aussi des démons? Enfin, je me rappelle plus. Et comment ça se fait que, par exemple, là, dans la saison 3, il y a Billy qui y va et il croise son soi de l'upside down. Enfin, je sais pas trop comment ça marche. Il croise du monde dedans. Alors, je sais pas si c'est aussi des gens qui ont été avant, mais dans ce cas-là, ils devraient aussi être là, enfin, présents. De manière physique, puisque aussi c'est trop bizarre. Au bout d'un moment, en fait, je pense pas que ça soit des incohérences, mais je pense que tout n'est pas expliqué, peut-être par manque de temps, ou alors pour les garder des trucs pour la prochaine saison. Ou... Parce que par exemple, au bout d'un moment, il y a toute une scène qui est assez intéressante dans un hôpital, qui a une envergure un petit peu attaque de zombies et tout. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de tension. Et en fait, on se rend compte que quand tu tapes une personne qui est possédée par le flagelleur mental, l'autre personne ressent la douleur, en fait. Problème, il y a d'autres moments où on va taper un possédé et un autre possédé ne va avoir aucun effet, en fait. Donc, ah bon ? Ouais. Quand ça ? J'ai pas le moment exact, mais je me souviens que qu'on s'est fait cette remarque là. Ouais, c'est possible, je me souviens plus. Là j'ai un trou. Ça m'embête parce que du coup ça fait un exemple qui tombe un peu à l'eau. Mais non, j'ai pas le souvenir exact. Ouais. En tout cas, moi, ce que j'aime bien par rapport à ce monde parallèle, c'est que c'est pas trop montré. On n'est jamais vraiment dedans. Enfin, il y a quelques personnages qui sont dedans de temps en temps, mais ça dure pas longtemps. Il me semble que dans la première saison, on était carrément allé dedans plusieurs fois et ouais, tout. Genre, ouais. On se baladait, on était poursuivi et tout. Il y a un autre truc. Alors, j'ai pas trop compris par rapport à la créature. Comment elle voit, comment elle entend. Est-ce qu'elle sent les trucs ? Parce qu'il y a des fois, elle arrive à voir quelqu'un alors qu'elle n'a pas forcément la vue directe dessus. D'autres fois, elle est obligée d'envoyer sa tentacule. Donc, d'ailleurs, la tentacule qui est clairement une référence à la guerre des monstres. Genre, la guerre des mondes, pardon. Ouais. Mais comment... moi, j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. Toi, c'est la technique qui te... Bah non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de plonger au cœur de la mythologie. Tu vois, on te présente un univers et je pense que c'est... En fait, je sais pas si t'as lu un petit peu Lovecraft, toi. Non. Mais en gros, je trouve que Stranger Things, ça commence à prendre une dimension très Lovecraftienne. En gros, Lovecraft, c'est un écrivain qui n'était pas du tout connu quand il était vivant. Et quand il est mort, enfin, une fois qu'il est mort, il a explosé et il est devenu extrêmement connu. Il a fait partie du flagelleur mental, alors. Non, mais tu connais le mythe de Cthulhu ? Non. En fait, en gros, c'est un monstre qui serait tapi dans les profondeurs de la Terre et que si on le réveillait, ça serait la fin des temps parce que le gars est capable de... Le gars ? Le gars, oui, je le personnifie, mais le monstre, l'entité, parce que c'est plutôt une entité, serait capable de parler de manière télépathique à tous les êtres humains et de leur faire entendre des cris abominables partout sur la planète de manière constante et tout. Et du coup, dans les versions où on le réveille, les gens s'entretuent, les gens commencent à exploser, à développer des membres. Enfin, c'est un truc... Il y a vraiment une envergure qui est extrêmement difficile à percevoir pour les êtres humains, dans le sens où ce sont des monstres qui semblent poursuivre un but qu'on ne peut pas comprendre, en fait. Parce que, tu vois, souvent dans les films, les méchants, c'est très manichéen, en mode... je suis méchant. Je veux régner sur le monde. Voilà, je veux me faire un max d'argent. Je veux toutes les femmes. Je veux ceci, je veux cela, tu vois. Et là, en fait, on ne sait même pas, par exemple, pourquoi il fait ça dans Stranger Things. Est-ce qu'il veut juste régner sur le monde ? Est-ce qu'il veut détruire le monde normal pour avoir juste le monde à l'envers ? On ne sait. C'est pas vraiment. Et c'est aussi un principe inhérent du monde de Lovecraft. Il y a énormément de créatures qui ont été inventées par cet homme. Alors c'est assez sanglant, assez sombre, donc pour les gens qui aiment bien ce genre de bail, je vous encourage à vous y plonger, c'est vraiment stylé. Mais voilà, il y a cette envergure assez intéressante. Par exemple, il y a aussi beaucoup de tentacules, tu vois, comme dans Stranger Things, on a des trucs dans tous les sens qui s'accrochent à toi, qui rentrent dans les plaies de ta peau, ça fait des... Enfin, c'est crade, quoi, c'est vraiment sale. C'est sale. D'ailleurs, il y avait Damso aussi dans... Il y avait Damso non, et Niska faux, dans... Ils, non, ils sont faux, pas dedans. C'est faux. T'as encore quelque chose à dire sur Stranger Things ? Bah, dis que je parle trop, en fait. J'essaye juste... Non, en fait, j'en ai marre que t'étales ta culture comme ça va. T'as lu des livres, c'est bon. Okay, bravo, bah, super. Vas-y. Je t'en prie, parle d'un truc intéressant. Ok, si alors on va parler de Spider-Man. Vas-y, je coupe. Non. Mec, c'est insupportable. Il se passe pas un épisode sans que t'en parles. C'est vrai. C'est possiblement vrai. Si, peut-être le podcast sur le Japon. Bah non, j'en ai parlé, sûrement. Allez, parlons de Stranger Things. Ok. Non, il était invivable. On peut parler de la fin de la saison qui est vraiment énorme, en fait. Non, et toi, t'as rien à dire sur les dimensions, le principe de dimension parallèle et tout. Parce que ça, c'est quand même incroyable. T'imagines que ça se trouve dans notre réalité, c'est possible, tu vois. Ce principe de multivers, de d'univers parallèle. Je crois qu'il y a même une théorie quantique qui explique qu'à chaque fois que tu fais un choix, il y a un univers qui se crée dans lequel tu as fait le choix A et le choix B, ce genre de choses. Enfin, si tant est que schématiquement, il y ait un choix A et un choix B, alors qu'en vrai, il y a un peu une infinité de choix, mais voilà. Et toi, est-ce que ça te parle, ça ? Bah ouais, en plus je lis des comics dont Spider-Man et il y a des univers, des autres dimensions. Tu sais que j'ai arrêté d'écouter. Hein. Non, parce que en vrai, oui, c'est hyper intéressant. Et je trouve ça fou parce que c'est des choses un peu, ça me fait penser au fameux mythe qui dit qu'on est peut-être dans une simulation parce qu'on peut pas prouver qu'on n'est pas dans une simulation, donc... C'est potentiellement le cas. Et là, c'est un peu la même chose. En fait, normalement, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que pour pouvoir affirmer quelque chose, il faut le prouver, tu vois. Mm-hmm. Donc, a priori, on ne vit pas dans une simulation. C'est aussi Eléa qui avait participé d'ailleurs à la bonne franquette. C'est ce qu'elle m'avait appris sur la législation comparée à la France et les États-Unis. C'est-à-dire qu'en France, tu es présumé innocent. C'est-à-dire que tant qu'on ne prouve pas que tu es coupable, aucun problème. Par contre, aux US, tu es présumé coupable. C'est-à-dire que tu es coupable, sauf si on arrive à prouver que tu es innocent. Il me semble que c'est ça, tu vois. Et c'est vrai que bon, c'est compliqué de prouver qu'on est dans une simulation. Elon Musk avait dit plus ou moins récemment qu'il y avait 20% de chance qu'on soit dans une... Je me demande d'où il a sorti cette stat. C'est un génie, il sait. Hein. Pour moi, c'est sûr, on est dans une simulation. Tu sais, il construit des lance-flammes, des tunnels, des voitures. Des voitures pour aller sur l'espace. Il s'est fait greffer des cheveux. Enfin, je veux dire, bon... Il est à un autre niveau, quoi. Il est très très fort. Ça se trouve, c'est lui qui détient la simulation. Et on vit tous dans l'ordinateur d'Elon Musk. T'imagines, en vrai, on vit dans une simulation qu'un gars a créée et le gars, il s'est implanté dans la simulation juste pour voir en temps réel comment ça se comment passe. Comment ça se passe. Il y avait une théorie comme ça aussi qui explique que la Terre serait une sorte de zoo. C'est-à-dire qu'en gros, ça serait une civilisation extraterrestre extrêmement développée qui aurait créé la Terre et qui l'aurait mis dans une sorte de terrarium, tu vois, une sorte de cage, et il nous aurait laissé vivre pour voir comment on se débrouillait et tout. Je trouve ça intéressant. Si ça se trouve, en vrai, c'est le cas et c'est incroyable. Ce serait fou. Ça serait fou. Ouais. Tu sais, genre. Ils ont pensé tous les détails. Imagine, c'est vraiment le cas et ils nous entendent en train de parler de ça, tu vois. Genre, en train de dire. Ils font. Ah ouais, c'est. Oh, aïe, aïe, aïe. Ils sont peut-être sur le point de découvrir. C'est chaud, là. Chef, ils vont trouver. T'inquiète. Appuie sur le bouton rouge pour tout faire péter. Ils vont faire exploser la planète avant, de toute façon. Parce que c'est des gros cons qui savent pas la gérer, en fait. On leur a donné un truc trop cool et voilà. C'est vrai, c'est ce qui va arriver. Voilà. Ouais, ouais, bah, j'espère qu'il y a une autre dimension parce qu'il faudra bien qu'on se réfugie quelque part. Hein. Ouais, ah, c'est un autre sujet. Mais on peut peut-être parler de la mort de certains personnages. Hopper et Billy. Ouais. Moi, je pense que Hopper n'est pas mort. Ouais, bah, j'ai vu quelqu'un qui disait que comme la mort n'est pas montrée, forcément, il est vivant. Bah, c'est un peu ça, hein. Il y a souvent ce genre de ressort dans les films. Ouais, d'ailleurs, c'est comme le... Tiens, allez, on fait un petit passage Spider-Man. Oui, yes, yes. Mais bon, moi, j'ai pas suivi le jeu sur PS4 parce que, voilà. Spider-Man, le gars en ASMR tout le long. Peter Parker. Spider-Man. Peter Venom. Le début gueule. Putain, j'allais dire ça. Lance-toi. Attends, je ne t'entends plus. Oula, attention. Problème technique. Eh, ce sont les aléas de la vie. Hein. Sinon, on lève. Ah, bien joué. Et en fait, il y a tout un pan de l'histoire où, en gros, tu poursuis. Je crois que c'est la chatte noire, c'est ça, non? Ah ouais. Et qui meurt dans une explosion. C'est ça. Et en fait, si tu regardes frame par frame l'explosion, on voit qu'il y a un nuage de fumée avant l'explosion. Et du coup, on sait qu'elle est pas morte. On sait. C'est ouf, hein. Ouais. Ouais, mais c'est le genre de truc où tu t'es là quand même. Ah, oh, peut-être elle est morte, peut-être on sait non, pas. Non, franchement, moi, sans jouer au jeu, je me suis dit, bon, allez. Bon, allez. Non, c'est vrai. Souvent, dans les trucs comme ça, les héros s'en sortent toujours. Bah, c'est aussi pour ça que ça dure. Hein. T'imagines, tu fais une œuvre et il meurt au bout de la page 7. Bah, il est mort. Donc, voilà. Genre, les 53 pages d'après, c'est juste le vilain qui poursuit ses plans, tu sais. Ah ouais, mais non, mais... Ça serait intéressant. Il y avait aussi... alors, je sais pas si vous avez fait attention, parce que moi, en fait, je l'ai vu... Attends, tu vas parler de Spider-Man, là? Non. Non, mec, franchement, faisons court. On est là pour parler de Stranger Things. Mec, j'allais pas parler de Spider-Man en plus. Tu vas parler de Spider-Man. Non. Mec, si tu parles de Spider-Man, tu as exactement... Attends, il est combien là? Il est 49-40. T'as 3 minutes pour en parler, grand max. Jusqu'à 52. Ok. Alors, j'allais parler de Stranger Things en plus, donc ça tombe bien parce que j'avais pas du tout parlé de Spider-Man. Oui. Ah, je suis heureux. Dans ta gueule, gros con de merde. j'allais dire que moi j'ai fait. Par contre, tu me parles plus jamais comme ça, d'accord? Ok, shut your fucking bitch ass. Ça ne veut rien. C'est vrai, j'ai mis des mots anglais aléatoires. Allez, attends, juste des insultes. Je me suis dit, peut-être ça passe. En Amérique, ça passerait donc. Non, j'ai failli la louper parce que j'ai failli quitter la vidéo, enfin la série sur Netflix. Mais en fait, il y a une scène post-générique à la fin de la saison 3 et qui montre des Russes en train de enfin une sorte de goulag russe où ils mettent un gars dans une cage avec un Demogorgon ou je sais pas quoi. Et on les entend parler d'un Américain. Genre, ils disent non, pas l'Américain, lui, pour l'instant, c'est pas son tour. Et bah, ça fait très certainement référence à Hopper. Alors, effectivement, mais c'est ce que je te disais, tu vois. Genre, comment quand le truc explose, les Russes arrivent direct. Ouais. Enfin, non, je crois que les Russes s'enfuient ou c'est le FBI qui arrive direct. Mais en tout cas, tout se passe très vite. Ouais. Et c'est impossible. Parce qu'en plus, il me semble qu'elle, elle va sur la passerelle, non? Ouais, à la fin, ouais. Elle va sur la passerelle et je vois pas comment. Quelqu'un aurait pu emporter Hopper, tu vois. Ouais. Voilà, à moins que le canon là, qui a explosé l'ait téléporté en Russie, parce qu'effectivement, on l'a même pas dit, mais les grands méchants de cette saison 3, guess what, c'est les Russes. Encore eux. Bon, cela dit, ça se passe plus ou moins en pleine guerre froide, donc c'est compréhensible. Mais ouais, bon, je sais pas, écoute, on verra. Ouais, on verra bien. Moi, je pense qu'il est pas mort, j'en suis sûr. Ouais. Par contre, Billy, lui... Sa mort, elle est quand même montrée, hein. Vraiment, il se prend plusieurs coups dans le torse. C'est vraiment très christique, genre il meurt comme ça, les bras étendus, transpercés dans les flancs, les trucs. Enfin, ouais, il y a vraiment une dimension très héroïque du gars qui se sacrifie. En tout cas, belle mort. C'était... Très belle mort pour un personnage que j'appréciais beaucoup. C'est dommage parce qu'on commence seulement à le développer. Ouais. Parce que depuis le début de la série, il a une envergure encore une fois un peu monolithique. C'est-à-dire que c'est juste le tombeur de dame un peu rebelle et tout. Justement, à la fin de la saison 2, on apprend qu'il a vécu des trucs pas cool et que c'est ça qui l'a rendu comme ça. Ouais, mais c'est pas explicitement montré si je me souviens bien. Alors que là, dans la saison 3, ouais. On te dit que sa mère s'est barrée, qu'il était en conflit tout le temps avec son père. Après, il me semble qu'il y a quand même. Bon, je me souviens plus trop de la saison 1 et 2, mais il y a une scène où il se bat avec son père, non? Il y a pas un. Si, ouais. Il y a un bail comme ça. Mais c'est ça qui est bien, je trouve. C'est que dans la saison 2, on a juste installé ça vite fait, genre on va peut-être développer ça plus tard et je trouve ça cool parce qu'on se disait il est monolithique et tout, c'est un peu chiant, mais en fait il a une autre dimension et ça se développe dans la saison 3 et au final on est hyper attaché à lui alors que dans la saison 2 c'est un énorme connard. C'est vrai. Et tu sais ce qu'on va développer aussi? Ouais. Ce podcast juste après cette coupure. Et c'est reparti. Encore une fois. Et effectivement, Billy qui est pas mal développé. Bon, ils sont tous développés, c'est marrant. Introduction aussi d'un personnage lesbien que la personne de Robin. Donc, ouais, très et cool. Ça fait un retournement de situation qu'on n'attendait pas du tout. Parce qu'il y a une discussion où, bon, si vous avez vu l'épisode, vous voyez de quoi on parle, mais il y a toute une discussion où elle dit « Ah, je n'avais Dieu que pour toi ». Et on se dit, parce qu'elle parle à Steve Harrington, le gars qui a la coupe. Je sais même pas comment décrire ça en fait. C'est un fucking mess. Ouais, un fucking mess. Enfin, c'est le plus gros bordel capillaire qu'on ait jamais eu. Bon, après, dans ces années-là, je pense que c'était plutôt la norme. Mais effectivement, il y a toute une scène où elle lui dit « Ah, je n'avais Dieu que pour toi. Elle est capable de citer par cœur ce qu'il mangeait et tout. » Et en fait, on apprend plusieurs scènes après, une fois qu'ils ont vomi parce qu'ils se sont fait droguer par les Russes. J'ai envie de dire, une journée normale. Use all shit. Voilà. Steve Harrington lui dit « Ah là là, en fait, je suis tombé amoureux d'une fille alors que j'ai jamais fait attention à elle au lycée et tout. » Et en fait, il parle de Robin et elle lui dit « Attends, mais tu te méprends, je parlais pas de toi en fait. Si je faisais autant attention à toi, c'est parce que j'étais jalouse que je ne sais plus qui n'avait Dieu que pour toi en fait. » Et on apprend du coup qu'elle aime les filles. et que, qu'elle ne s'intéressait pas du tout à Steve, mais à la fille qui n'arrêtait pas de regarder Steve. Sacré rebondissement. Ouais, c'est cool, c'est cool. C'est cool. Je me suis posé la question au bout d'un moment, parce qu'elle et Max, enfin Eleven et Max, dans cette série, donc Max, la sœur de Billy, sont très proches, genre elles passent tout leur temps ensemble et tout. Et il y a cette envergure de Eleven qui découvre vraiment ce qu'est l'amitié, une vraie amitié avec le même sexe. Tu vois, enfin, on a beau avoir des amis féminins et masculins et je ne sais quel autre genre, il y a quand même des délires qu'on peut avoir qu'entre hommes et entre femmes, tu vois. Et du coup, là, elle développe une vraie amitié féminine avec Max et je me suis dit, est-ce qu'ils vont oser créer un couple lesbien adolescent, tu vois? Ouais. Et finalement non, ils ont pas pris ce risque là, mais ils ont quand même introduit du coup Robin en tant que personnage lesbien homosexuel. Ouais, et puis il y a aussi l'homosexualité un peu peut-être de Will qui est un peu suggéré. Il a pas l'air de s'intéresser aux filles, tu vois. Ouais, il dit il veut vraiment rester dans son groupe de potes. Alors c'est pas du tout explicite, c'est plutôt des suppositions. Après bon, c'est on va dire que la porte est ouverte. Voilà. On verra bien. Sans mauvais jeu de mots. Je te rappelle qu'il est mineur, ça serait extrêmement crade. Bah. Exact. J'appelle la police. Non. Enfin bref, on verra bien. En tout cas, très bonne surprise, effectivement, de prendre ce genre de risque. Enfin, ce genre de risque, on est en 2019, donc heureusement qu'il y a des choses comme ça qui sont quand même montrées à l'écran et incorporées dans des histoires. Mais ouais, plutôt cool. Au niveau encore de l'évolution des personnages, comme dit, moi j'ai un peu du mal avec Mike. Par contre, c'est Lucas, je crois, le jeune noir là. Le jeune noir, ouais. Il fait quand même très sidekick noir des films des années 80, tu vois. Ouais. Genre, souvent il dodeline un peu comme ça. Quand il fait des rires et tout. Mais c'est vraiment typiquement ce que faisait ce genre de personnage. Et je trouve que c'est. Bon, je sais pas trop si c'est une caricature ou si, tu vois, mais je me suis dit, bon, c'est dommage de pas en faire autre chose, tu vois. Ouais. Dustin, donc là, c'est celui à qui il manque des dents et qui est in love de Suzy. Formidable, je trouve. Ouais. Nickel, très il joue bien, super ouais. bien. Peut-être ouais. un des meilleurs acteurs de la série, vraiment. Ouais, il est hyper attachant et tout. Ouais. Ça fait plaisir. En plus, au début, ils parlent de Suzy et personne ne le croit. Et moi, je me suis dit, ça, c'est un truc, genre, ils vont faire genre, elle n'existe pas et ils vont le faire passer pour un menteur pendant toute la série. Et à la fin, on va la voir. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Je suis un putain de génie, en fait. C'est moi qui ai écrit Stranger Things. Bah, si t'arrivais à le prononcer, peut-être qu'on te croirait, mais... Spider-Man. Quoi ? Quoi ? Encore ? On peut parler de Spider-Man ? Non ! C'était un peu saturé. Non, mais de quoi on parlait ? Ouais, oui, Dustin. Ouais, très bon perso. Non, mais même avec la petite référence à Terminator en la personne du russe impassible. Ouais. Après, il y avait Alexei aussi qui meurt pendant la fête foraine. C'est avec vrai. Le parallèle de la fille qui jette une fléchette pour faire exploser un ballon et pile à ce moment-là, cut, il se prend des balles dans, balle. Le, ouais. dans l'estomac. Ouais, c'est fort. Genre, c'est fort. J'aime bien ce genre ça, de... Ça, c'est de la relation forte. Ah oui, on aime beaucoup. Ah, on aime. Oui. Ouais, on s'ensuit tout le passage dans la sorte de maison avec des pièges et tout. Là, où, le palais des glaces et tout. Ouais, la maison Hooper avec des et... pièges. Minecraft, tu dis. Où Hooper réussit à battre. Ouais, Franchement, dis Hopper parce que j'ai trop l'impression que tu parles du YouTuber. Hopper, mais qui dit Hopper en fait. Ben, les personnages qui savent qu'il s'appelle comme ça. En fait. Non, il s'appelle Hooper. Hooper. Il s'appelle pas. Il s'appelle Hoover. Hopper. Et c'est un aspirateur. Il s'appelle. T'imagines genre le personnage en fait. Il est humain et tout, mais à chaque fois qu'il ouvre la bouche, t'as un bruit d'aspi genre. Alors que tous les autres, ils parlent normalement, tu vois. Ça serait... Et du coup, les autres, ils le comprennent ou pas ? Ouais, vraiment. Ouais. Ils font ah oh là là, mais non, à dire mais ça. Ça serait trop bizarre. Et genre, il a l'air de dire que des insultes. Genre, les gens comprennent que qu'il parle en insultes. Genre, oh. J'en ai marre que tu dises des choses pareilles. Je peux pas te laisser dire ça. Alors que lui, il a l'air de parler gentiment. Enfin, ça pourrait être un sketch sympa. Hein? On vous lâche l'idée. Faites-en ce que vous voulez. Ouais, sinon la réal très cool, transition entre les plans, entre les scènes. Tout là, j'allais bien. Parler de la scène avec. Très bien travaillé. Hooper. Man, shut the fuck. J'avais parlé de la scène avec Hooper là dans la maison à piège avec le la maison à piège. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Avec le Russe et quand il le bat enfin et tout, on se dit ah on est débarrassé de lui. Mais non, jamais un mec comme ça. On s'en débarrasse qu'en fin d'épisode, en fin vrai, de série. Le gars il meurt en 3 coups de pistolet alors que ça fait 6 épisodes qu'il le poursuit. Bon, allez, à d'autres. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est quoi 3 coups de pistolet dans le bide et le thorax? Rien pour un Russe comme ça. C'est vrai. Non, c'est 3 coups au petit déjeuner, mon petit pote. Hein. Ouais, il se réveille comme ça, bam, bam, bam. Et si tu survis, là t'es un vrai bonhomme. Ça c'est son réveil en fait. Oh non, j'avais pas envie d'aller au boulot. Ah, yeah. Ouais, très cool. Vraiment, vraiment bien stylé. En plus, il y a une relation naissante entre Hopper et Joyce. Et Joyce qui n'aboutit pas puisqu'il meurt à la fin. Ah, il meurt, il meurt. Il meurt à la fin et alors on n'incarne pas son fils hein, pour éviter de refaire cette blague. Mais voilà. Enfin, sa fille en l'occurrence puisqu'il a adopté Eleven. Exact. Les musiques, toujours aussi stylées. Ouais, j'ai adoré. Ouais, vraiment une bonne bande-son. Bonne bande-son, il y a toujours du synthé en masse, mais bon, c'est, ouais. ça fait le délire années 80, ça marche bien, je trouve. C'est marrant parce que c'est vraiment genre, c'est le genre de synthé, aujourd'hui, si tu l'entends, ça fait un peu cheap, tu vois. Ah ouais. Et là, bah, forcément, ça colle pile à l'univers. Colle pile. Exactement. Donc, ça fait plaisir. Pardon, wow. les effets sonores par exemple, c'était fou. Là, j'imitais un démon gorgon, hein, bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Ouais. Et c'était bien fait. Non, franchement, très cool. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Je pense que c'est une série qui est bien. Qu'est-ce que t'attends pour la suite? Tu t'espères qu'il se renouvelle au niveau des monstres? Bon, franchement, truc, ou... j'espère que la saison 4 sera la dernière. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu le même schéma à chaque fois. Genre, ils sont bien au début de la saison, au milieu, ils découvrent des trucs, et à la fin, ils résolvent tout. C'est exactement ce qui s'est passé avec Walking Dead, et tout le monde s'en est foutu au bout d'un moment. Donc, Ouais, je sais pas, Walking Dead, c'est un peu spécial, parce que c'est pas vraiment comme ça. C'est juste qu'ils arrivent à un endroit à chaque fois, pas à chaque début de saison, mais... Mais ouais, au bout d'un moment, ça... Bah si, mec, c'est le même schéma. Ouais. Ils sont sécurité, élément perturbateur, ils doivent fuir. C'est toujours dans le cas. Ouais. Alors, il y a des trucs où il doit tuer son fils, on lui coupe la main, les gens meurent. Les gens meurent. Les gens meurent, je veux dire, bon. Est-ce qu'on va se formaliser? Putain, c'est dommage, parce que Walking Dead, j'aurais tellement aimé savoir la fin de cette série, mais elle est devenue tellement... Osef. Pas ouf, ouais. Ouais, franchement, Osef. Là, qu'est-ce que j'attends pour la suite de Stranger Things? Comme dit, j'espère vraiment qu'il n'y aura que 4 saisons. Quand bien même j'aime bien l'univers, je pense qu'il ne faut pas que ça traîne. Plus ça va traîner, plus ça va tourner en rond, moins ça va être bien. Ouais. Et on préfère en garder un bon souvenir. Exactement. Et créer des nouvelles choses. Mais peut-être qu'ils me feront mentir, et j'espère. Ouais. Moi, ce que je veux savoir, alors à mon avis, on ne saura pas pourquoi le flageleur mental fait tout ça. Et j'espère qu'on ne saura pas, parce que du coup il y a cette envergure d'incompréhension, tu vois, on est là, on ne peut pas comprendre les cette enjeux. Entité, tu vois, ouais. Et ça c'est un truc qui me plaît, parce que ça te désarçonne complètement, t'es là en mode attendez, mais vous bafouez tous mes repères, je ne suis plus dans ma zone de confort, et c'est tant mieux, souffre. Et j'espère, alors j'allais dire, j'espère voir un nouveau monstre, mais ça a l'air de repartir sur les démons gorgons, mais en nouvelle forme. Ils étaient en nouvelle forme, je me souviens plus des démons gorgons. Si tu te souviens du premier, il est vraiment noir, et je crois qu'il a des écailles. Mais il n'est pas aussi... Là, il est bipède, non? Et normalement, il se déplace comme un chien, si je me souviens bien. Je ne sais plus du tout. Mais effectivement, il était bipède et blanc. Ouais. Genre blanc, un petit peu pas translucide, mais... Tu sais, comme la peau, parfois, là, tu vois les veines et tout. Et il était un peu comme ça, tu vois, ce qu'on appelle the subsurface en modeling 3D. Si jamais des modeleurs 3D nous regardent. Eh ben, cinéma 4D, les potos. Cinéma 4D à vous. Smoothing. Temps de rendu. Trop marrant, ça, les temps de rendu. Non, j'espère... En toute franchise, j'espère ne pas revoir Hopper. Quand bien même je l'aime, il faut, savoir trop. Prendre des risques et tuer des personnages importants. C'est aussi pour ça qu'on aime par exemple autant l'attaque des Titans. C'est-à-dire qu'ils sont capables de te développer un personnage pendant quasiment 3 saisons complètes. Ils te le font mourir comme ça au début d'un épisode et basta, terminé. Attaque des Titans, un manga du coup, un animé. Un animé excellent, je vous le conseille. Si vous aimez bien les trucs plein de tensions avec des retournements de situation, je pense que c'est l'animé avec le plus de retournements de situation que j'ai vu, et en plus vraiment des retournements de situation de qualité. Genre, parfois tu vois un épisode et là t'es en mode, mais non, attends, c'était prévu depuis le début ça, et tu te dis, mais le gars qui a inventé tout ça, c'est fou. Tu vois, créer une trame comme ça extrêmement complexe avec des enjeux politiques, sociaux, économique, c'est complètement dingue. Et là, ce qui se passe dans l'attaque des Titans, c'est incroyable. J'ai hâte de voir la prochaine saison, mais bon, on parle pas de ça. Moi, je suis curieux de voir ce qui va se passer avec Eleven, puisque je rappelle qu'elle perd ses pouvoirs à la fin de cette saison. C'est vrai. Et je suis aussi curieux de savoir comment les Russes ont développé tout ça. C'est-à-dire. Surtout pourquoi ils font ça en fait. Oui, parce qu'on n'a pas le. On n'a pas la... Je me souviens plus mais pourquoi les scientifiques américains faisaient ça. Mais tu t'en souviens toi dans la saison 2 ? Pourquoi ils ouvrent le portail ? Bah, je crois que c'est de la capitalisation. C'est-à-dire qu'ils ont envie de conquérir ce monde-là, potentiellement de tirer des armes. Ouais, avant les Russes quoi. C'est ça. Mais le truc, c'est que bon, c'est un truc qui est apparu à Hawkins, donc la ville de Stranger Things aux US. Mais comment les Russes en ont entendu parler? Comment ils ont installé? Ok, ils ont acheté des terrains à Hawkins, machin, mais enfin, comment tu construis des aussi grosses bases sans éveiller un seul soupçon? Tu vois, enfin, c'est quand même gros, tu vois, genre. Bon, pourquoi pas après? Il y a des trucs, il y a des trucs qui sont faits par le gouvernement qu'on ne saura jamais. Mais ça va, on saura peut-être. Hashtag complot. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag le bon complot. Si vous avez vu n'importe quelle célébrité avec des yeux reptiliens, ce n'est pas une illusion, c'est forcément vrai, et notez-le avec le hashtag je dénonce. Attends, mais attends, t'as les pupilles un peu. Non. C'est un reptile. Bah franchement, j'ai pas peur. Je sais que vous réussirez. On va conquérir le monde. C'est le bruit de la langue qui sort là. Ouais, ouais. C'est ça en fait. C'est pas bien fait ? Pff, non. Ok. voilà, et toi, qu'est-ce que t'en attends de cette. Je suis désolé, franchement, avec la journée que j'ai eue, je suis vraiment claqué. Il est tard. Attends, mais on enregistre toujours à des heures pas possibles, ce podcast, c'est incroyable. C'est vrai. Est-ce qu'on arrivera un jour à enregistrer un podcast à 16 heures ? En journée, on travaille aussi. Ah! Mais c'est vrai que ce serait bien de faire un podcast en pleine journée, ce serait plus simple. Ouais, ou genre le matin au réveil. Genre tu viens de te réveiller. Oh mec, alors ça serait trop marrant. Viens, on fait une édition comme ça. Genre vraiment, on dort et le premier truc qu'on fait, on lance la caméra, le micro, on est là. Bon. Il y en a un qui prépare le petit-déj en même temps et tout. Il ramène les trucs. Tu sais, ils sont en peignoir et tout, les gars. Ils grattent le cul là. Alors, sois un peu là. Les cheveux éclatés. Ah, ça serait vraiment à faire. Qu'est-ce que t'attends de cette quatrième saison de... Moi, j'espère qu'ils vont réussir à se renouveler parce que. Ah, donc pour toi, ça tourne un peu en rond là. Ça commence déjà un peu à tourner. Ça commence un peu à tourner en rond, effectivement. C'est un peu toujours le même schéma. Mais je me dis, s'ils réutilisent un truc de la première saison là, j'espère qu'ils vont l'utiliser genre vraiment autrement, d'une autre manière et tout, pour voir ce que ça va donner. Mais ouais, j'espère que ça va se renouveler dans ce sens-là. Au niveau des persos, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont devenir. On adore suivre ces bambins là grandir. D'ailleurs, ça fait bizarre parce que comme ils ont commencé très jeunes dans la première saison, on a vraiment l'impression de les voir grandir. C'est le cas. C'est un peu le cas. Donc c'est un peu comme Harry Potter quoi. Ouais. Ah. C'est vrai. Ouais, je trouve Harry Potter, c'est vraiment le cas. Les premiers films, c'est presque des films un peu pour enfants. Enfin, surtout le premier. Ouais, et après, ça part en... Ça devient de plus en plus sombre, un peu comme la vie, finalement. C'est ça. Non, ça suit le chemin de la vie, en vrai. si tu suis arrivé, non, rien, juste tu me coupes. Ouais, c'est peut-être parce que c'est pas intéressant. Oui, c'est pas intéressant. D'accord, je vais peut-être parler de Spider-Man, tiens, ça fait longtemps. Ouais, shut the fuck. Non, mais ce qui est bien avec Harry Potter, c'est que si tu commences à suivre la série de films tout au début et que t'as le même âge à peu près que les personnages, ça, tu grandis avec eux et tu. Quand tu as besoin d'un film un peu pour enfants, tu regardes le premier. Après, tu grandis. Tu as besoin d'un film avec un peu plus d'enjeux, un peu teenager et tout. Et tu arrives aux épisodes 6 et 7 et 8. Et je ne sais plus combien il y en a. Et voilà, c'est ça qui est... Trop bien la blague. Ouais. Oui. Ok. T'as une grosse gueule. Et ferme ta gueule. Tiens, un peu. Non, c'est vrai, t'as raison, effectivement. Mmh. Et il y a le même principe aussi pour les séries qui, bah, notamment Game of Thrones, hein, on a commencé avec des... Attends, là, tu vas me dire que t'es à l'aise. Bah, t'as posé ton coude à cette hauteur et t'es à l'aise. Bah ouais. Non, enfin, non, impossible. Ah bah non, tu peux pas. Ouais, non, c'est pas bien. Il est trop marrant, ce gars. Allez. Non, bah, mais effectivement, écoute. Voilà, il y a le même parallèle avec Game of Thrones. On a commencé avec des acteurs qui étaient extrêmement jeunes et tout, et ils ont bien évolué. Quoi ? T'avais pas un jeu d'imitation à me proposer ? Si, mais j'ai plus envie, tu m'as gâché le plaisir. Bon, on peut peut-être parler de Spider-Man. Non. T'es cancel. Toi, t'es cancer. Ménage trash. Ménage trash. Le mec veut parler anglais, il sait même pas. Allez, ferme ta gueule. C'est tout ce que c'est. Non, mais effectivement, ce qui m'intéresse vraiment, et après on fait le jeu des imitations, ce qui m'intéresse vraiment dans Stranger Things, c'est de voir comment ça va se terminer. Mm-hmm. Point le flagelleur est-il puissant? Moi, je pense pas que ce soit si intéressant que ça, le comment ça va se terminer, parce que je pense que ça va se terminer un peu comme à la fin de chaque saison, c'est-à-dire bien en happy ending. Ce serait étonnant que pour un truc comme ça parte. Ending avec deux personnages majeurs qui meurent, c'est pas tellement un happy ending. Mais... Ouais, c'est vrai, mais bon. Au final, ils sont encore tous là. Ils ont réussi à sauver le monde, quand même. C'est quand même plutôt pas mal. C'est vrai que deux morts pour le monde, moi je dis ça va. C'est vrai que Hopper est là et Billy aussi. Donc le seul personnage qui m'intéressait. Ils sont encore... Super là. Super. C'est vrai que tu t'intéresses pas à Dustin par exemple. Bah. Non. C'est faux. Non, vraiment cool. Non, mais ce qui peut être intéressant, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet univers, tu vois. Parce que là, on développe des créatures, on développe des pouvoirs, on développe des liens entre comment ça va se finir? Parce que maintenant, c'est en soi, le flagelleur, c'est plus seulement une menace, mais c'est devenu un vrai personnage à part entière qu'on peut identifier. On sait ce qu'il a fait, on a quelques idées sur ce que potentiellement il peut faire, on sait qui l'a contrôlé, ce genre de choses. Exact. Et donc, moi, j'ai envie de savoir quel est le fin mot de cette histoire avec cette entité. Et j'espère que ça sera spectaculaire, voilà. Je te laisse commencer par une imitation, c'est parti. Mais imitation de quoi? Allez, d'un personnage de Stranger Things. De Stranger Things? Ouais. Ouais. Mais mec, j'étais pas prêt, je sais pas du tout qui imiter et quoi faire. Mais laisse-toi le feeling. Ouais, mais si je vais imiter Dustin, ce sera insultant. Mais en plus, il parle en anglais. Moi, je sais pas. Je sais pas parler anglais. Regarde. Oh, yeah, I'm English right now. Ah, c'est si fort dans mes oreilles. Je déteste. Non, tu veux pas commencer parce que moi, je... Ok. Ça, c'est Lucas. Non. C'est Hooper. Hooper. Non. Ah, je sais. C'est Eleven. Oui. Yes. Putain, j'avais pas du pas tout facile, depuis le début. Bien joué. Top, mec. Yes, merci beaucoup. Bien joué, mec. Yes. Franchement, à toi ensuite, la suite. Oh, putain. C'était Eleven. Bien vu. Tu l'avais trouvé? Ouais. Ok. Bah, j'en ai une deuxième, si tu veux. Vas-y. Attends, quoi? T'as déjà fini? Mais tu m'avais promis une nuit d'amour et ça fait exactement que 37 secondes, ça va pas, quoi? C'est non, tout, je vais te tromper, là. C'est ta copine, ça, qui dit ça. Enfin, ouais, c'est mon ex, mais... C'est pas un personnage de Stranger Things, on devait faire... Ah, c'est juste pour les personnages de Stranger Things ? Bah oui, c'était le jeu, en fait. Ouais, bah j'ai rien dit, alors... Non, mais vous avez rien entendu, alors... aujourd'hui, je vais faire des glaces. qui veut des échantillons de glace ? Ouf. Ahoy, matelot. Allez, tu... Alors, c'était qui ? C'était... Attends, essaye, je fais ça. C'est... Joyce. C'est Billy. C'est Steve Harrington. Steve Harrington. Oui, bien vu. Ouais. Vas-y, à toi ensuite. Ok. Hopper. Faudrait que je sois torse nu. Billy. Yes. C'est vrai. Mais par contre, si vous écoutez ce podcast seulement sans la vidéo. Oui, c'est vrai qu'il y a une vidéo et cette fois-ci elle n'a pas bugué. Ça fait plaisir. Du coup, ouais, moi je m'attendais à des imitations orales et du coup là ce serait plus compliqué. Peut-être une deuxième imitation ? Dans ce cas-là, uniquement oral, vocal. Ok. Audio. J'ai pas d'autres synonymes. Alors écoutez, c'est Jacques Chirac. Mm-hmm. T'as vu, je t'ai même pas laissé le temps de répondre, c'est vraiment. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Alors, comment t'as trouvé ? Non, c'est bien. C'est bien ? Ouais, c'est bien. Je peux faire imitateur officiel ? Vas-y, ouais, j'en prie. Bah, là tout de suite, faut. Ouais. Je vais sur Paris et je deviens. Ouais, bien sûr. Je passe à la radio, exactement. J'ai une émission, une chronique. Alors, c'est le flagelleur mental. Eh oui, parce qu'on ne sait pas en fait. on ne sait pas. C'était, en vrai, c'était vraiment ça. Non. Ah, c'était rien du tout. J'attendais ce que tu dises un truc qui puisse coller. Et je dis oui. Yes. Et t'as vu, ça collait bien. Hein, en vrai. Alors attends. Ça, c'est le flagelleur mental, mais sous forme pliée. Bien vu. Yes. Putain, merci beaucoup. Merci. À toi. Vite, okay. Parce qu'il nous reste 5 minutes. Ok, alors j'ai une imitation, c'est dans Stranger Things aussi. Nom de Zeus. Et c'est c'est pas le pied. C'est le Doc. Yes, c'était le Doc. Et le deuxième, c'était Marty. Ouais, bon. Bon, bah, ouais. Franchement, je pense que c'est le pire jeu que j'ai jamais vu. Je sais pas qui l'a inventé, mais je crois que c'est toi. Oui, t'es bizarroïde. Et alors, tu préférais être normal ? Les gens normaux n'ont jamais rien accompli d'important. C'est sûrement une phrase de motivation sur une chaîne. Non, c'est tiré de Stranger Things, je crois que c'est la première saison. Ah ouais ? Qui ça pourrait être ? C'est le frère d'un personnage monolithique. Est-ce que ce serait pas Jonathan ? Si, c'est lui. Ah, il dit ça ? Ouais, c'est quand Will, je sais plus trop pourquoi, je crois qu'il commence à avoir des visions, je sais plus exactement, c'est un peu flou, mais je crois qu'il commence à avoir des visions à cause de l'Upside Down et tout. Et du coup, il arrive plus à vivre, enfin, à être sociable et tout. Et du coup, il dit je suis bizarroïde, personne m'aime et tout. Mais c'est dans la saison 2 ça qui commence, je crois. Je sais plus. Ah non, je sais plus, bref. Enfin, voilà. Ok. Vas-y, t'en as peut-être une autre ? Est-ce que j'ai une autre imitation ? Oh là là, mon fils, attention, je crois qu'il voit des choses, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Ah ! Alors, c'est vraiment bien fait. C'est vrai ? C'est Joyce. Oh yes ! Bah mec, je suis impressionné. Ouais, bah on m'a toujours dit. Que c'était nul, parce que c'est le cas. Hein. C'est vraiment ça. Non, c'était marrant. Allez, juste deux dernières. Oh, je suis si fatigué. Attends. Ça, c'était mon imitation, ça. C'est pas mal du tout. Attends, je peux en faire une. C'est le méchant russe ? Oui ! Yes ! Putain, je savais que c'était ça. Nazdorov ! Je savais que c'était ça. Bien vu. C'était pas ça du tout. T'avais, ah, si, le méchant russe. Pas d'imitation. Non, vraiment, là, c'était vraiment pour le méchant russe. Ok. Bon, ouais, attends, regarde, j'en fais un autre. C'est Hooper. Non, c'est le général russe. Ah, c'est le général russe. Attends, j'en fais un autre. Le lieutenant russe ? Oui ! Yes ! Attends. Ouais. J'en fais un autre. T'es prêt ? Ouais, c'est Joyce. Non. C'est le. Non, c'est un soldat russe. Oui ! Putain, yes. T'as vu, je le tiens là. Franchement, bien joué, bien mais joué. Celui-là, je vais en tout cas, les trois derniers étaient vraiment complètement différents et t'as quand même réussi à. Bah, tu sais, c'est. À t'adapter. C'est vraiment essayer de creuser la personnalité, ouais. de coller plus que le personnage, essayer de le faire devenir humain, de l'humaniser. Tu ouais, vois. Là, vraiment, franchement, j'avais un. Vas-y, attends. J'avais des Russes en face de moi. J'en fais un dernier. Une armée. J'en fais un dernier. Ouais, vas-y. Je vois pas. Là, je vois pas. J'ai du pêche. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut, on peut terminer ce podcast. Ouais. Là-dessus, est-ce que t'aurais un dernier mot? Est-ce que tu imitais un russe pour ton dernier mot? C'est un dernier mot, c'est mais en russe en fait. Moi je trouve ça un peu russe comme fin de podcast. Allez, yes. Putain, on va finir sur cette blague. Moi je la trouvais bien. Notez cette blague dans les commentaires. Elle était pas mal. 20 sur 20. Ouais, bon, allez. 19 sur 20. Ça, c'est un 4 sur 20. Ça. Quoi? Franchement, j'ai adoré 2 sur 20. C'est... Oh shit! Waouh! Je sais pas si on la voit à la caméra, mais il y a une de ces punaises sur le mur là. Wow. Ouais, non, on la voit pas, elle est hors cadre. Et il y en a une. Ah non, c'est toi par contre. Notez cette blague dans les commentaires, elle est beaucoup moins bien que la mienne. 1000 sur 20. Bref, bon, du coup, c'était encore une fois à la bonne franquette, donc on est toujours sur une ambiance chill. Oui. Un peu aléatoire, un soupçon de folie autour d'un sujet, c'est aussi ce qui fait plaisir. C'est un peu tamisé posé. Tamisé posé. T'as vu ce qu'elle a fait? Ouais. Son chat a fail. Elle a slidé. Elle a voulu sauter, elle s'est arrêtée. Bah, n'importe quoi. En plus, il n'y avait même pas d'insectes, donc je comprends pas. Mais, il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu. Attends, il n'y avait pas d'enjeu dans ce film, en fait. D'ailleurs, Spider-Man Far From Spider-Man, oh, nul, un peu nul. Bref, allez, prenez soin de vous, c'est le plus important. On se retrouve pour un prochain épisode de la bonne Franquette. Franquette. Franquette. Bah, j'ai hâte d'appeler cet épisode comme ça. La bonne Franquette. Bonjour et bienvenue sur Terre. Sur la bonne Franquette. Sur la bonne Franquette. On ne parle que avec le rub. Le rub. Le rub. Ah là là. Allez. Ciao. Prenez soin de vous. Ciao.